Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité à participer. C'est vraiment intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié de lire les petits extraits qui m'avaient été envoyés avec un regard, en effet, que j'ai trouvé assez décapant sur la formation dans les IRA et qui soulève une espèce de critique un petit peu éthique aussi de l'administration sur l'intention cachée qu'il pourrait y avoir derrière toute cette organisation de cours. Donc moi, je vais vous donner le regard un peu de côté territorial, même si je ne suis pas insensible à ce qui peut être dit sur l'école de service public ayant été directrice de l'INET, hein, donc l'école qui forme les hauts fonctionnaires territoriaux, et en même temps directrice générale adjointe du Centre national de la fonction publique territoriale, puisqu'en territorial, on a un organisme de formation unique, et de ce fait, avec une vision sur l'ensemble de la formation du A+, A, B, C, et sur les formations management, puisque l'INET portait le pôle de compétences relatif au management pour l'ensemble de la fonction publique. Donc, voilà, j'étais amenée à aussi réfléchir. Donc, avant de rentrer un peu dans ce que j'avais envie de vous dire pour ce qui concerne la fonction territoriale, peut-être une réaction immédiate au dernier de vos propos sur finalement pourquoi cet engagement attendu des élèves dans les écoles. Alors, votre hypothèse est intéressante, moi je n'en ai pas la même lecture. Pour moi, la différence, c'est qu'au moment où les élèves arrivent en école de service public, c'est-à-dire pas vraiment forcément des élèves, mais ils passent d'un statut justement d'étudiant à celui de salarié. Et moi, c'est toujours la façon dont je l'ai approché. En école de commerce, c'est les élèves qui payent, c'est eux les clients, donc le client est roi, ils peuvent aller au bar s'ils veulent, à la limite. Tandis que quand ils arrivent dans l'école de service public, ils sont payés, ils sont salariés. Et ils ont un devoir d'être en poste. Moi, c'est ce que j'expliquais aux élèves quand ils rentraient à l'INET. Vous avez fini les études, là. Maintenant, vous êtes salarié du CNFPT, puisque dans la fonction publique territoriale, c'est le Centre national de la fonction publique territoriale qui les paye. Pour ce qui concerne les A+, c'est très différent, je verrai après, sur les autres catégories. Et donc, vous avez un devoir d'être là. Enfin, les internes en médecine, on ne leur dirait pas, allez au bar si vous voulez, quoi. Ils sont payés, ils doivent être à l'heure, ils doivent faire leur boulot. Et voilà, aller se former, c'est le travail qui leur est assigné, c'est leur fiche de poste. Et donc, c'est pour ça qu'ils doivent être là et engagés. C'était ma lecture. Alors, moi, j'avais retenu trois angles pour parler de la fonction publique territoriale. Déjà, de dire que la notion de cadre intermédiaire dans la fonction publique territoriale, c'est une notion au contour qui est extrêmement floue, peut-être encore plus que pour l'État. Et avec, j'observe quand même des tendances de mutation assez importantes avec l'ouverture au contractuel dont je vais vous parler. Ensuite, un deuxième point sur finalement quelle formation et quelle intention derrière la formation. Moi, ce qui m'a intéressé et étonné dans ce que vous avez pu produire, c'est vraiment cette notion finalement d'intention cachée, peut-être non consciente, dans ce qu'on peut produire. Sachant qu'en territorial, par rapport à l'État, la formation longue a été supprimée donc pour toutes ces cadres. Ah, donc, vous pouvez se demander pourquoi. Il n'y avait plus que 5 jours, voilà, express. Donc, toute cette intention était difficile à apporter. Ensuite, parler des cadres intermédiaires dans les organisations. Moi, je suis directrice générale des services, c'est plutôt ça mon profil. Hein. C'était plutôt une parenthèse de partir côté de la formation. Et donc, je pense que les cadres intermédiaires existent et se légitiment dans l'organisation de travail, et en spécifiquement pour les collectivités. Puis après, quelques éléments en réaction à ce que vous avez pu dire et ce que moi j'ai pu lire préalablement, mais que j'ai pu réentendre là. Alors déjà sur le premier point, les cadres intermédiaires à la fonction publique territoriale, sur cette notion, ce qu'il faut voir, c'est que les collectivités territoriales, c'est une multiplicité d'employeurs. Quand on passe un concours à l'État, on est recruté par l'État, qui est un employeur unique, même s'il y a plein de ministères, tandis que la fonction publique territoriale, tous les employeurs sont indépendants. Donc il y a une organisation pour passer un concours, pour recruter, donc on passe, voilà. Mais ensuite, on est sur le marché de l'emploi. Et ces employeurs sont extrêmement diversifiés. Il y a autant de différences entre différentes collectivités qu'entre différentes entreprises, qu'entre une toute petite entreprise et une entreprise d'échelle nationale, voire plus grande. Alors, on a dans les collectivités, des chiffres que vous connaissez sûrement, mais que je trouvais intéressant de redire, hein, on a près de 35 000 communes, un petit peu moins, regroupées en 19 000 intercommunalités, communautés de communes, communautés d'agglomération, métropole, sans compter tous les syndicats mixtes, les centres départementaux d'incendie et de secours, les divers établissements publics variés, les centres départementaux de gestion, le Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà. Tout ça, c'est des organismes périphériques aux communes ou aux collectivités, les 101 départements, les 18 régions. Donc, bien évidemment, on a toute une palette d'agents dans ces différentes administrations. Et donc, c'est très difficile de lier, par exemple, la notion de grade et la notion de cadre intermédiaire, comme à l'État, puisque la variété des collectivités fait que selon la taille de la collectivité dans laquelle on va être, le cadre intermédiaire va être pas du tout lié au même grade. Ça peut être très différent. On peut avoir du A+ cadre intermédiaire à la région Île-de-France et du catégorie C cadre supérieur dans une petite commune. Donc, ça, du coup, ça ne s'approche pas pareil. Et au cours d'une carrière, on peut se retrouver dans différents positionnements selon vers quel employeur on va aller. Je voulais vous rappeler aussi la répartition en termes de catégories entre les trois fonctions publiques, ce qui indique qu'on a une variation de positionnement. Pour ce qui concerne le A+, dans la fonction publique territoriale, c'est qui correspond à 1,9 million de fonctionnaires à peu près, c'est 1%. Dans la fonction publique de l'État et de l'hospitalière, c'est 2%. Donc à l'État, il y a 2,5 millions et l'hospitalière 1,2. Les catégories A, ça c'est intéressant parce que c'est la cible de cette intervention, 12% dans la territoriale, toutes filières confondues, on ne parle pas que des attachés, hein, les ingénieurs, les gens de la filière culturelle, toutes les catégories A, filières sociales, 25% à l'État et 36% dans l'hospitalière. Catégorie B, 12% en territoriale, 39% à l'État, 17% en hospitalière. Catégorie C, 75% en territoriale, 34% à l'État, 45% en hospitalière. Et vous voyez déjà que rien que par cette répartition, on voit bien qu'on va arriver à une approche tout à fait différente du positionnement des uns et des autres. Un autre aspect, c'est que, du coup, par rapport à cette variation, ce que je voulais dire, voilà, c'est que comment on va désigner la notion de cadre intermédiaire ? Il va être désigné par l'organigramme. C'est l'organigramme qui va désigner le cadre intermédiaire. Et donc, le cadre intermédiaire, c'est une désignation plus un grade. Dans les petites collectivités, bon, on a parfois aussi des élus qui font office pratiquement de ce qu'on pourrait attendre du cadre intermédiaire. Parce que l'administration est tellement petite que finalement, ces rôles sont endossés par les élus qui vont être gestionnaires de services publics et organisateurs, ce qu'on pourrait attendre d'administration, souvent à titre bénévole. Et c'est pour ça que tous ceux qui veulent supprimer les 36 000 communes de la France vont bien réfléchir aux coûts en matière de services publics si vous les remplacer par des salariés. C'est une parenthèse. Alors, quelle formation, quelle intention ? Donc, je parle de la catégorie A, hein, après vous avoir dit que ça ne représente pas tous les cadres intermédiaires, mais c'est intéressant de focaliser là-dessus. Donc, il y a des concours qui sont organisés par les centres départementaux de gestion. Après, il y a un an de stage dans la collectivité qui a recruté, parce que c'est l'accès à un marché de l'emploi, le concours, hein, ce n'est pas l'accès à un poste. Il y a la promotion interne qui peut permettre de passer en catégorie A, après on est période de stage aussi. Et puis, il y a les recrutements contractuels. Moi, je suis dans une intercommunalité. Aujourd'hui, 550 agents à peu près, bon, 100 000 habitants, pour vous donner un peu une unité de taille, intercommunalité rurale, mais moi avec des compétences, voilà, communauté d'agglomération. Sur 3 postes que je dois recruter 2 contractuels. Vous voyez la rapidité du phénomène qui est en train de se produire. Donc quand on dit qu'on focalise le cadre intermédiaire et sa compréhension à travers le concours et sa formation, ça permet de remettre en perspective aussi cette notion. Donc on voit qu'en tout cas en territorial, on évolue vers une fonction publique, une action publique peut-être plus centrée autour du métier qu'autour de la dimension fonctionnaire, même si ça reste une référence majeure pour moi. Je ne suis pas pour la suppression de la fonction publique. Donc, la formation ensuite d'application est post-recrutement. C'est-à-dire qu'il y a un concours, tous les gens qui ont le concours, on estime qu'ils ont le niveau, ça leur donne une espèce de label finalement. Ça labellise les gens pour pouvoir postuler. Mais ils vont postuler, ils vont être en concurrence avec d'autres gens qui ont le concours, avec des gens qui sont en interne, avec des contractuels. Donc il faut qu'ils puissent valoriser leur profil sur ce marché de l'emploi, donc il y a aussi une dimension marketing, et qui va déterminer pour le cadre intermédiaire et pour sa valeur sur le marché de l'emploi, ensuite une relation un peu contractuelle, et là j'emploie ce mot au titre moral, avec son employeur. Puisque ensuite, la personne de valeur, là, on était dans une période de marché de l'emploi un peu tendue, avec compétences importante. Il va y avoir une tension avec son employeur élu et hiérarchie qui fait que s'il n'est pas bien, il peut partir ailleurs. Vous voyez, ça change un peu la relation de domination, disons, puisqu'on est obligé d'entrer une relation contractualisée de donnant-donnant où la personne doit apporter de la valeur, mais on doit lui en apporter aussi. Donc, historiquement, au début des années 80, ont été créés les ENACT. Alors, c'est très drôle parce que Institut Régional d'Administration, pour la territoriale, c'est École Nationale d'Application des Cadres Territoriaux. Donc, c'est très, très drôle. Et tout ça pour dire, c'était pour affirmer la dimension d'une vision nationale, fonction publique territoriale, mais pensée à échelle nationale. Pour avoir vu pas mal ce qui se faisait dans d'autres pays quand j'étais à l'INET, c'est vraiment une caractéristique française extrêmement intéressante d'avoir une pensée sur les métiers de l'action publique locale à une échelle nationale. La plupart des autres pays sont sur une approche métier locale. Quand on est en France, quand quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, est technicien route, disons, c'est valable en Bretagne comme à Marseille. On sait que derrière, il y a un métier, il y a quelque chose qui est pensé et après, porté par le CNFPT, une vision prospective de l'évolution des métiers qui est apportée à travers des programmes de formation. Et ça, c'est aussi intéressant quand on approche l'encadrement intermédiaire. Alors, ENACT, pendant quelques temps, et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, les instituts nationaux spécialisés, donc du CNFPT, parce qu'il y a une modification fondamentale, au-delà du fait que les concours qui étaient au niveau national portés par le CNFPT sont aujourd'hui portés au niveau départemental pour la catégorie A, B et C, hein. A+, c'est resté en centrale. Il y a le fait aussi qu'il a été décidé de passer sur ensuite un autre modèle avec une loi de février 2007 où on a introduit ce qui n'existait pas, une formation initiale d'application pour les catégories C, mais qu'il a été décidé du même coup que la formation telle qu'elle était, une espèce de formation d'alternance qui, pendant la période de prise de poste, pendant la première année, en fait, la personne était en poste et allait une semaine de temps en temps par mois dans son institut, dans son école, pour pouvoir se consolider sur son métier. Donc, finalement, tout ça, ça ne servait pas à grand-chose. Et hop, on est passé à 5 jours. Donc, vous voyez, changement de modèle brutal. Les employeurs estimant que ça n'avait aucune importance. Je pense que là, les IRA ont eu quelques sueurs froides à ce moment-là, en disant, mais c'est quoi cette tendance en territorial? Et je pense qu'ils les ont toujours, parce qu'ils savent qu'en back-office, il y a quand même un autre modèle qui est là. Donc, 5 jours qui sont devenus 10 jours... par lobby un peu du CNFPT et des employeurs locaux, parce que c'est quand même très très short hein, pour se dire qu'est-ce que la fonction publique en 5 jours. Mais finalement, en termes d'intention, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, avec si peu de temps? Juste partager des notions de valeur de la fonction publique, puisque les gens, on les attend sur leur métier, mais on les attend aussi sur quelque chose de plus large, puisque à travers le développement des activités, les collectivités territoriales doivent participer à la cohésion sociale et territoriale du territoire. Donc, quelle que soit l'activité ou la politique publique qu'on met en œuvre, l'intention derrière, c'est bien ça. Et donc, il faut que ce soit pris en compte. Il y a la démocratie de proximité. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de clés à donner. Donc, voilà, au final, c'est un petit peu ça. Donc, toujours avec une notion d'application, professionnalisation, mais pas de connaissance. En plus, les métiers sont extrêmement divers. Les gens se retrouvent. Certains sont directeurs général de service. D'autres vont être sur des postes d'experts. Donc on n'est pas du tout... ça permet aux gens de se rencontrer, de toucher du doigt leur diversité. Voilà. On a rajouté aussi un peu une approche sur les... sur tout ce qui est transition écologique aujourd'hui. Je pense que ce qui va faire le creuset du cadre intermédiaire, de sa formation et de sa construction au début, dès son recrutement et à travers sa carrière, ça va être aussi le fait de grandir dans des formations entre pairs. Et finalement, c'est cette notion de pair. Et donc, c'est à partir de la désignation qu'on va créer la notion de cadre intermédiaire et d'évolution du métier sous un mode peut-être plus collectif à travers la formation continue. Et c'est aussi ce qui essaye d'être porté dans la formation initiale. Donc, dans les organisations, je me disais, mais finalement, qu'est-ce qu'on attend des cadres intermédiaires? Parce que je me suis dit, oui, est-ce que je les instrumentalise dans mon management peut-être, voilà. Alors, vis-à-vis des agents, donc sachant que ça peut être des A ou des B, ouais. Donc ils sont attendus pour garantir la continuité de service, parce que c'est des fonctions publiques la fonction publique territoriale est très tournée service, on voit tous les catégories C, production de service. Donc les cadres intermédiaires, ils doivent garantir que ça roule, qu'il n'y a pas de rupture, que les gens ne soient pas en grève, qu'ils soient là le matin, que y a les événements, que la gestion du risque soit là, puis de porter les enjeux ressources, les enjeux RH, les enjeux finances, juridiques et maintenant numériques, qui sont des nouveaux enjeux. Vis-à-vis de la hiérarchie, qu'est-ce qu'on attend d'eux ? Qu'ils participent au collectif de direction, qu'ils assurent une remontée d'infos, alors à la fois par rapport aux agents et par rapport au territoire, parce qu'il ne faut pas oublier la dimension élue, qui est extrêmement importante, hein, pour voir s'il y a un risque politique au sens de la cohésion du projet de pilotage de la collectivité, et qu'ils soient force de proposition. Donc finalement, c'est aussi la formation qui est très pilotée par les employeurs, qu'ils sont membres du conseil d'administration du CNFPT ou qui sont aussi prescriptifs pour envoyer les gens en formation, ils vont attendre ça des gens et donc finalement la formation va être aussi un peu en écho là-dessus. Et par rapport aux élus, qu'est-ce qu'il est attendu du cadre intermédiaire ? Un appui en expertise, donc il faut que cette dimension expertise existe, une capacité à proposer des solutions, puisque les élus ils peuvent avoir des intentions et après ben, comment matériellement on va le faire. Et ça, il est attendu du cadre intermédiaire qu'il soit force de proposition à ce niveau-là, et puis qu'il soit capable de formaliser les enjeux et de faire interface entre le technique et le politique. Parce qu'il y a des choses qui sont compliquées. Les élus, ben, sont issus de la société, et ils ne peuvent pas comprendre tous les enjeux techniques. L'administration d'État, on rencontre beaucoup à d'autres fonctionnaires qui eux-mêmes peuvent être en expertise. Là, il y a une dimension traduction qui est vraiment très forte et attendue du cadre intermédiaire. Donc ça, c'est important. Alors évidemment, il y a un peu le réceptacle de toutes les tensions, hein, vous en avez parlé. Donc ce qui fait que la dimension réseau métier est très importante dans la fonction publique territoriale. C'est pour ça qu'il y a autant d'associations, je pense, qui existent et qui sont des occasions où les gens peuvent se rassembler, peuvent parler du métier, parce que c'est le réseau qui va permettre la consolidation professionnelle et qui va permettre de s'outiller sur tout ça, tout ce qui est attendu. Donc, dernière partie, la réaction par rapport à ce que vous avez pu dire. Je pense que de ce fait-là, la distinction A plus et A est moins forte en territorial que dans la fonction publique d'État. Déjà parce que les A comme les A plus, ils sont sur le marché de l'emploi, et parfois face à des postes, il y a un A et un A plus sur un même poste. Ce n'est pas toujours le A plus qui est choisi. On le voit bien, par exemple, à l'INET, hein, il y a des internes et des externes pour le concours, comme à l'État. Sauf que, contrairement à l'État, être interne, ce n'est pas du tout dévalorisé. Hein, parce qu'on arrive avec beaucoup plus de billes sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas forcément exactement les mêmes postes. Les deux ont des atouts, mais il n'y a pas de hiérarchie, vraiment. Puisqu'on est, de toute façon, la sanction, ce n'est pas le classement, c'est le recrutement. Et donc, c'est là qu'on va voir si la personne est... a réussi à développer un profil. Il y a moins d'effets de frontières et la position peut être variable dans la carrière. On peut se retrouver à un moment cadre intermédiaire et puis à un autre moment grand chef. Ce n'est pas selon la taille de la collectivité. Donc il n'y a pas cette notion de linéarité. Ce qui est attendu dans la fonction publique territoriale, finalement, c'est plus l'adaptabilité au contexte que la rationalité par rapport à la règle. Parce que c'est ce qui va faire la jonction entre le projet et le territoire et les politiques publiques. Et aussi la notion de territoire, ce qui m'a vraiment frappé par rapport à la fonction publique d'État, c'est que dans la fonction publique d'État, on tire sa légitimité de la règle, du national. Et si on dit, bah oui, tel territoire, j'y suis attaché, tout ça, c'est vu comme négatif. C'est une espèce d'aveu de faiblesse. Ouh là là, ils connaissent déjà ce territoire, donc est-ce que du coup, on va être bien objectif et tout. Tandis qu'en territorial, si on connaît le territoire, si on en a un attachement, c'est un atout dans le CV, puisque ça va être valorisé comme une création de valeur, parce qu'on a une connaissance et on a un attachement territorial. Donc on peut avoir voilà, des petits chocs culturels sur ces points. Là, je pourrais vous raconter des anecdotes si vous voulez. Voilà, c'est un peu le sens de la situation qui peut être attendu. Ce qui fait que sur ce qui est management expertise, par rapport à ce que vous avez dit, je suis un peu... Enfin, Je suis sensible à ce que vous dites, en même temps je me pose quand même des questions, parce que ce qui fait que, de mon point de vue, les cadres intermédiaires glissent vers le management, moi j'aurais analysé ça plutôt comme un contexte où il y a une augmentation de la complexité et de la technicité, ce qui fait que on va beaucoup aller chercher de la prestation aussi sur le marché privé et en externe par l'achat. C'est pas parce qu'on n'a pas toutes les compétences, mais on a. Ça permet de sécuriser aussi l'ajustement à une technicité qui est toujours croissante et sur lequel on va demander. Enfin, ça va très très vite, en fait, l'évolution des techniques va très vite. Et on va attendre du cadre intermédiaire qu'il soit plutôt en capacité d'assumer un rôle de maîtrise d'ouvrage, de pilotage par rapport à ses expertises externes et internes. Je pense que cette. Et puis, il y a une dimension gouvernance qui est beaucoup plus forte. Puisqu'on travaille beaucoup moins en silo, on est beaucoup plus obligé de développer des partenariats, donc ce qui fait que les compétences attendues vont être plus des compétences de lien au niveau du cadre, parfois, que des expertises qu'il aura du mal dans des organisations où il y a plein de métiers à pouvoir consolider. Tandis que si on fait appel à une expertise externe, par exemple sur le privé, les entreprises, elles sont thématisées, donc elles ont une capacité à consolider leurs expertises en interne, ce qu'on a plus de difficultés à faire en territorial, sauf à travers les réseaux métiers. Donc voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'expertise, mais moi je pense que la montée de la valeur management, elle est aussi là-dessus. J'observe quand même une petite évolution avec la réinternalisation, voilà, beaucoup de développement des SPL, des sociétés publiques locales. Et donc on a quand même un mouvement de réinternalisation, de retour à la régie et de réinternalisation de l'expertise aujourd'hui qui prend de la valeur par rapport à une notion managériale, puisque avec le distanciel, le développement du numérique. Je pense que le management, en fait, commence à s'étioler un petit peu en matière de métier. Et qu'on est dans un moment où il y a une certaine mutation qui est en train d'émerger. On va voir ce que donne l'intelligence artificielle. Mais je pense qu'on est là à un nouvel effet de frontière dans nos organisations et dans la place de la hiérarchie par rapport au groupe. Voilà. Donc, en conclusion, peut-être dire que pour moi, le cadre intermédiaire en territorial, ce n'est pas un exécutant en tout cas. Mais c'est plutôt un coproducteur de services publics. Voilà.